maligne. Ils ont fait leur tomber la clat, tu meurs maligne. 22 le calibre, montre le son, je drive la BM comme au rallye. J'suis marrant comme triste cœur, mais comme le tracksuit, le cœur c'est tout noir. Tout seul plus fort que 10 000, sauf respect fort que Cyril Hanouna. Avant j'étais mignon comme Timberlake, aujourd'hui j'suis super laid. Y'a rien à faire, on est trop borné, putain de tabarnak. On va le faire, nique sa mère. On va le faire, nique sa mère. On va le faire, nique sa mère. Faire grimper le chiffre d'affaires. On va le faire, nique sa mère. On va le faire, nique sa mère. On va le faire, nique sa mère. Faire grimper le chiffre d'affaires. On carbure à la haine. C'est comme ça qu'on s'est fait. Œil pour œil, faire la paix. Impossible, en effet. J'ai tatoué les caractères, j'ai très mauvais caractère. À trop avoir raison, j'ai fini par la perdre. Table de chevet, j'ai le livre rouge. Bientôt ça parle allemand. Pourquoi je me suis tatoué si vite? Avant j'avais pas l'argent. On va le faire, nique sa mère. On va le faire, nique sa mère. On va le faire, nique sa mère. Faire grimper le chiffre d'affaires. On va le faire, nique sa mère. On va le faire, nique sa mère. On va le faire, nique sa mère. Faire grimper le chiffre d'affaires.